de fées en français. Jack le fou. Oh, princesse, je monte tous les chevaux moi-même. Oh, waouh, je suis tellement ravie, vous savez. Et pourquoi un prince cavalier voudrait-il m'épouser alors? Eh bien, vous êtes une princesse. Tous ces joyaux, ce palais, la richesse est à vous, n'est-ce pas? Oh, je lui avais demandé de ne pas dire ça. Oh, comme c'est romantique. Et alors, ma princesse, je demande votre main en mariage. Juste ma main? Cela signifie-t-il que le reste de moi pourrait rester célibataire? Absolument. Quoi? Princesse, c'est la partie où vous dites oui. C'est la partie où tu entends ma voix mélodieuse dire non. Non, attendez une minute. Non. Oh, Hazel, tu es la fille du roi. Vous pourriez simplement dire que je suis votre fille, père. C'est si facile à retenir. Ah, je suis à bout de force avec toi. Tu dois épouser quelqu'un. Tu as rencontré tant de jeunes hommes nobles. Oh, mon père, je ne veux pas épouser quelqu'un qui veut épouser notre couronne. Je veux épouser quelqu'un qui veut m'épouser moi. Qui m'aime pour qui je suis moi. Et qui me fait rire aussi. J'en ai marre de suivre toutes vos règles. Règles pour le mariage, pour sortir, pour parler, pour s'asseoir. Oh! Mais c'est comme ça qu'une princesse est supposée être. Ce n'est pas du tout vrai. Ces hommes nobles que vous amenez ici sont tellement prétentieux. Je veux quelqu'un qui soit simple et honnête, qui est aussi innocent qu'un enfant. Une âme au cœur pur. Et le plus important, qui n'a pas honte d'être qui il est, vous comprenez? Je me sens en cage ici, mon père. Je veux rencontrer quelqu'un qui est drôle et qui me fait danser aussi. Oh, je devrais alors chercher un clown pour toi. Oh, monsieur Duncan, appelez le prochain prétendant. Voyons, toutes mes excuses, votre Altesse, mais ça y est, la princesse a rencontré tous les nobles prétendants. Quoi? Mais comment cela peut-il être? Eh bien, je me demande la même chose, votre Altesse. Après tout, elle ne les rencontre que depuis plus d'un mois maintenant. Oh! J'aime ton sens de l'humour, Duncan. Oh, avec plaisir, princesse. Voulez-vous entendre une blague? Je suis plutôt un homme drôle. Quoi? Oh, non! Concentrons-nous sur le problème principal ici. Qui devons-nous appeler maintenant si tous les nobles prétendants ont été rejetés? J'ai bien peur que la position reste ouverte à... les civils? Oh, bonté divine! Que faut-il de plus maintenant? Ok, Duncan. Ce sera les civils. Attention à tous! Comme la princesse a rejeté tous les nobles prétendants, le moment est venu pour les civils de venir au palais pour se mettre à l'épreuve. Notez strictement que seules les personnes instruites et bien préparées seront autorisées à entrer par la porte. Demain, la princesse choisira son mari. La prochaine ville, s'il vous plaît. Avez-vous entendu cela? C'est un moment vraiment magique. Imaginez la richesse que nous aurons si la princesse choisit l'un de vous. Mes deux fils ont été éduqués et soignés par nul autre que moi. Bien sûr, mon père. Instruit, tu dis? Je connais les lois sur la tenue de livres comme je connais le dos de ma main. Et je connais le latin comme je sais n'importe quelle autre langue. Et je peux aussi coudre. Sensible et beau. Souviens-t'en. Oh, absolument. Mes deux filles sont beaux sans aucun doute. Préparons-nous. avant demain soir, l'un de vous sera certainement le mari de la princesse. Oui, emmène-moi sur la lune. Peut-être qu'il a mal entendu. Pour la lune, idiot. Mais c'est aussi amusant. Reviens ici. Oh, mes beaux fils. Allez me séduire la princesse. Oui, beau-père. Viens, Eric. Hé, mon costume. Oh, je vais te donner une leçon pour ça. Oh, où vont mes frères? Quelque chose de spécial? Content que tu aies remarqué. On dirait que je me suis habillé pour quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Non, j'ai demandé parce que tes cheveux ont l'air drôles. Oh, tu salis mon costume. On va se mettre en retard pour aller au palais. Pourquoi au palais? Dites-moi. Jack, laisse-nous partir. Nous ne voulons pas gâcher cette journée à cause de toi. Non, d'abord dis-moi. Allez, je suis ton frère, n'est-ce pas? Bon sang, oui, tu l'es. C'est pourquoi tu devrais te retirer et laisser tes frères gagner le cœur de la princesse. Elle choisira son mari aujourd'hui. Descends, maintenant! Ouf, allons-y, Eric. Adieu, mes fils! Oh, mon père, s'il vous plaît, laissez-moi aussi partir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi? Pour gagner le cœur de la princesse. Laissez-moi gagner, laissez-moi gagner. C'est une métaphore, imbécile. Tu n'as pas vraiment besoin de gagner son cœur. Elle doit te choisir. Mais elle le fera. Je suis quasiment sûr qu'elle me choisira, mon père. Mais oui, certainement. S'il vous plaît, père, laissez-moi partir. Oh. Bien, il suffit de te lever et de partir. Alors, Hans, penses-tu que je devrais commencer à coudre dès mon entrée dans le palais? Non, frère, c'est ta carte maîtresse. Ne montre pas tous tes atouts au début. Tu commenceras avec les lois sur la tenue des livres. Cela va la renverser. Salut les frères. Oh, un fruit. Exactement ce dont j'ai besoin. Oh, je vois que tu as appris à te préparer un dîner, mon frère. Sois béni. Oh, tu es tellement drôle. Non, non. C'est pour ma future femme, la princesse. Quoi? Quoi? Tu viens avec nous au palais? Oh, bien sûr. C'est là que se trouve la princesse. Est-ce que je n'ai pas raison? Et tu comptes lui donner ça? Un fruit pourri. C'est impoli de se rendre au palais les mains vides. C'est vrai. Et un fruit pourri ferait un beau cadeau. Ça ira très bien. Allez, mon frère, ne soyons pas en retard. Frère, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, s'il vous plaît, faites que ce soit son cerveau. Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? On ne sait jamais. Je pourrais en avoir besoin pour quelque chose. Oh oui, la princesse aura peut-être besoin d'une vieille chaussure déchirée. Et si elle perdait ses nouvelles chaussures très chères? Tu as entendu ça, William? Je n'avais pas pensé à ça. Il est tellement intelligent. Mais pas pour longtemps. Je vais chercher quelque chose de plus. Frère, regarde ce que j'ai. Oh, pas encore. Ah, non, pas encore. Regardez. Ouah, garde cette chose dégoûtante loin de moi. De la boue? De la boue? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On ne sait jamais. Je pourrais en avoir besoin pour quelque chose. Allons-y, mon frère, avant que quiconque ne nous voie avec lui. Oh, c'est une course. Yeah! Oh, mon Dieu, regardez ça. Attends, toi. Mais quoi? Je suis instruit, moi aussi. Vos chaussures sont boueuses. Tu peux partir. Suivant. La, la, la, la, la, la. Génial. Maintenant, dites-moi, pourquoi pensez-vous que vous êtes apte à ce mariage? Je suis un homme et vous êtes une femme. Oh, Dieu merci, vous avez éclairci tout ça. Je pensais bientôt faire pousser ma barbe. Eh bien, c'est tout. Vous ne voudriez pas la richesse alors, non? Oh, mais est-il un roi sans richesse? Je veux dire que votre père mourra un jour, non? Quoi? Pars tout de suite! Oh non! Père, tu ne voudrais pas savoir ce que je ressens? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Non! Non? Quoi? Non? Est-ce nécessaire? Tous ceux qui sont rejetés descendront la rivière. Le maître Hans Hemingway est le suivant. Parmi de nombreux autres talents, il est un érudit latin. Très bien. Alors, peux-tu me dire un poème en latin, peut-être? Je ne suis pas une spécialiste du latin comme maître Hans ici, vous voyez. Mais je présume que ce n'est pas du latin, n'est-ce pas? Pouvez-vous parler n'importe quelle langue? Oh, blop blop, comme c'est romantique. Garde! Suivant! Non! Non! Ego boom bracassia bingo! Qu'est-ce qu'il a dit? Était-ce un poème? Princesse, il a dit qu'il allait se pisser dessus. Jetez-le dehors, d'accord? Sortez-le! Non, non, non! Mes cheveux, mon costume! Non! Oh, je m'ennuie trop! Puis-je aller me promener? Pas encore, chérie. Il y a beaucoup d'autres à venir. Suivant. Le suivant est maître Eric Hemingway. Il est le frère de maître Hans Hemingway et est un érudit en droit de la comptabilité. Les lois, les règles de comptabilité. Il est important de garder nos livres. Oh, je m'ennuie déjà. Suivant. Non, attendez, je ne sais pas nager, mais je peux coudre. Laissez-moi coudre. Au moins, donnez-moi une barque. C'est un crime. Oh, toi, l'eau n'est pas assez profonde pour te tuer. Oh, attends. Attends, espèce de chèvre idiote. Oui. Oh, salut, frère. Que fais-tu ici? N'es-tu pas supposé être... Jack, donne-moi un coup de main! Qu'est-ce qui se passe ici? Garde, attrapez-les! Oh, frère, désolé, je dois y aller! Attends, Jack, non! Garde, attrapez-les! Garde, non! Qui es-tu? Oh, salut, je suis Jack! Tu portes une si belle robe. Qui est-ce qui l'a façonnée? Voulez-vous danser, mademoiselle? Oh, absolument. Oh, je m'amuse tellement, c'est parfait. Je l'adore, celui-là. Bon sang! Qui êtes-vous? Sortez de ce palais tout de suite. Non, attends, père. J'ai quelque chose à te dire. J'ai pris ma décision. Je vais l'épouser. Oui. Non. Vous êtes belle. Mais je suis ici pour voir la princesse. Je suis tellement, tellement désolée. Regarde autour de toi. Qui crois-tu que je suis? Oh, tu es la princesse. Je suis tombé amoureux de la princesse. Quelle chance. Oui, tu as eu beaucoup de chance. Oh, je sens que je vais regretter ça. Oh. Eh bien, messieurs, préparez-vous pour le mariage. Ma fille a finalement choisi son mari. Tu vois ça, Hans? Il y avait combien de chances que ça arrive? Je ne sais pas, mon frère. Nous avons toujours pensé que Jack était un imbécile. Mais enfin, ne l'est-il pas? Il peut être un imbécile pour nous, mais cela ne veut pas dire qu'il est fou pour tout le monde. Tout le monde va nous regarder différemment. Cela s'appelle la perception, mon frère. Jack n'a jamais eu honte d'être lui-même. En fait, il s'aimait. C'est la meilleure façon d'être, je vous le dis. Quand on s'aime, oui, on apprend enfin à vivre. Sortons de l'eau. Je vais finir par attraper un rhume.